dans sa sombre contrée. Pour cadeau de bienvenue, un bonnet en castor, un arc et quelques flèches pour survivre au creux de sa forêt. Autour d'un feu de bois, il me fit partager ses peurs, de sortir de sa tanière et de survivre en société. Il me glisse à l'oreille pour le considérer. J'ai bien vu que la brute n'était que sensibilité. Blanche, la nuit fut courte, presque blanche, alors je fais grise mine. Mais elle est annoncée à l'orée de ma ville. Et moi qui l'attendais dans sa rutile en limousine. Elle arrive en Twingo, ma star à domicile. Je plante le décor, Blanchard n'est pas trop hardcore. J'imagine déjà son dépit, une fois dans l'antre du trappeur. Son émoi et ses peurs face à mes terribles castors. Malmenée par la bête, dérangée par son odeur. Penser les plaies de son fragile cœur, j'ai compris que la bête désirait me sodomiser. Il pensait qu'à Paris les artistes aimaient la douceur. Ce geste était sa façon de m'exprimer son amitié. J'ai bien précisé qu'on n'était pas chez l'ambassadeur et que son rocher Suchard il pouvait se le bouffer. Je suis une superstar et j'accepte les honneurs, mais j'ai refusé qu'il me tape tout son BMX au fessier. Je veux du softcore, je veux du hardcore, je veux du softcore. Mais je congédie la pute parce qu'on n'aura pas le temps, car notre collaboration ne porte pas sur le thème de la baise, mais juste sur celui d'une spontanée création. Satanée émotion ponctuelle, pacifique duel pour deux lascars qui ont la trique lorsqu'ils se croient marrants. Laisse-moi tatouer tes fesses, tes BLS, je les trouve belles. Ta tête, je dois l'admettre,